Alors, c'est donc la séance inaugurale du séminaire Démocratie, monnaie, souveraineté. Et nous avons le plaisir d'accueillir Adrien Faudeau, maître de conférence en économie à l'IUT de Valence. Et avant de présenter cet invité, quelques mots pour présenter ce séminaire. C'est un séminaire porté par l'initiative d'excellence UGA sur la période 19-20. Il faut faire à l'amitié et à la complicité intellectuelle la part qui leur revient. Sur le plan pratique, ce projet est né d'une rencontre avec Jean-François Ponceau, qui n'est pas là, et qui est quand même économiste et prof à l'UGA, à l'occasion d'un séminaire que j'organise à l'AMSH depuis l'an dernier, au sujet du retour en grâce de la notion de souveraineté. Donc Jean-François nous a sollicité, Thierry Ménissier et moi, pour que nous prolongions cette réflexion sur la souveraineté sur un terrain commun entre philosophie et économie, sans s'interdire le recours à toute une série d'autres sciences sociales, du type droit, sociologie ou histoire. Et donc j'ai relevé ce défi avec enthousiasme. Me voici donc en charge d'une initiative de recherche stratégique, acronyme qui ravit les partisans d'un financement public de la recherche, puisque IRS, c'est aussi le nom du fisc aux États-Unis. Donc, sur le plan théorique, le projet Demos est né du constat double, d'une part celui de du retour de la notion de souveraineté dans le débat public, et d'autre celui de la position d'une économie non mainstream, celle qui se considère comme une science sociale, plutôt que comme une science naturelle, et qui, à ce titre, refuse l'enfermement épistémologique pour prôner un pluralisme des méthodes et des instruments, qui opère donc de ce fait un glissement vers une forme d'anthropologie sociale, ce qui la rend susceptible de dialoguer directement avec les sciences sociales du politique. Or, le concept de monnaie joue un rôle crucial dans la contestation de ces schémas abstraits de l'économie dominante, à base néoclassique, ainsi que dans ce qu'on peut appeler la dimension politique de l'économie. Donc les travaux de Michel Aglietta et d'André Orléans, notamment, depuis le début des années 80, ont inlassablement creusé un sillon d'une approche du phénomène monétaire en termes de souveraineté. Concept central qui apparaît comme crucial heuristiquement est celui de souveraineté pour analyser la monnaie et sa dimension politique. Donc ce retour en grâce contemporain du concept de souveraineté dans le débat public serait susceptible de donner à ces recherches un nouveau lustre. Et ainsi, la souveraineté de la monnaie, défendue encore récemment par Michel Aglietta dans son dernier livre avec Pepita Houldamed et Jean-François Ponceau, ancre l'économie via le phénomène monétaire dans les institutions sociales au sens large, qui vont des simples habitudes des usagers aux institutions privées et publiques, via la structuration du système bancaire, jusqu'à la dimension symbolique de la monnaie, laquelle suppose l'ancrage de la confiance des usagers dans les institutions fondamentales de la société, à un niveau donc où la monnaie rencontre directement le politique par l'entremise de l'État. Bon. Je ne vais pas en dire davantage ici, mais la souveraineté, la notion de souveraineté articule encore assez vaguement quand même la monnaie à la théorie proprement politique, laquelle paraît exiger non pas seulement une réflexion sur la dimension instituée de l'économie de marché au sens large, mais aussi sur le caractère démocratique des institutions étatiques et économiques ou étatico-économiques. Et donc s'ouvre une voie de recherche qui me semble assez enthousiasmante, celle d'une étude interdisciplinaire des rapports entre théorie monétaire et théorie démocratique, compte tenu des institutions étatiques qui nous ont été léguées par l'histoire, en fait. Donc, la notion de souveraineté est-elle la clé d'un renouvellement démocratique? Comment est-ce qu'on peut penser la souveraineté monétaire aujourd'hui? À quelles conditions cette souveraineté peut être dite émancipatrice? Qu'est-ce qu'il faut penser des innovations monétaires contemporaines, les monnaies électroniques, les monnaies locales, etc., du point de vue d'une conception démocratique des institutions publiques? Alors ce problème se pose selon au moins trois modalités. Sur un plan anthropologique d'abord, il s'agit d'explorer les rapports entre monnaie et société. La politique monétaire fonctionne essentiellement sur le crédit. Or, on le sait depuis au moins Nietzsche en philosophie et en littérature depuis Balzac, le crédit c'est moins un rapport moral de confiance qu'un rapport social et politique de pouvoir. De ce point de vue, la question est de savoir quels acteurs sociaux la politique monétaire est susceptible de favoriser ou de défavoriser. Inversement, est aussi de savoir si on peut déterminer les biens communs qui ne sauraient relever de l'appréciation monétaire, qui ferait donc échapper ceux qui en jouiraient à la logique de la domination. Dans quelle mesure donc la monétisation de biens non marchands, naturels ou institutionnels, est-elle susceptible de transformer les rapports sociaux? La monnaie constituerait donc une porte d'entrée anthropologique importante, les évolutions des technologies monétaires permettant de jeter une lumière nouvelle sur l'histoire politique et sociale des sociétés occidentales. Aglietta l'a montré notamment avec l'histoire de la Banque d'Angleterre comme une des conditions de la révolution industrielle britannique. Et dès lors, plus fondamentalement encore, la question est de savoir de quoi la monnaie est au juste la dette, de qui on se fait le débiteur en faisant circuler la monnaie. Une des théories les plus profondes de l'analyse du fait monétaire consistant à voir dans la monnaie une dette de vie par laquelle les vivants sont débiteurs des générations qui les ont précédées. Autrement dit, la dette qu'exprimerait la monnaie sera la condition d'une pérennité des rapports sociaux, pas seulement des rapports entre vivants, mais aussi des rapports des vivants aux générations précédentes et suivantes. À ce moment-là, étudier la monnaie serait carrément étudier un totem, quoi, examiner les fondements et les modalités de persistance de la société, de la reproduction de la société. C'est une façon de poser de manière assez encore aiguë la question de la démocratisation des institutions publiques, en dehors de toute, disons, captation de ce sacré monétaire par un clergé nouveau, susceptible d'accaparer, au fond, ces fondements sacrés du bien commun, en s'en faisant les interprètes exclusifs. Une dimension, disons, anthropologique de l'aspect clérical qu'on reproche parfois aux économistes. Donc, il faudrait, alors, en second lieu, sur un plan sociopolitique, interroger également la façon dont la monnaie est tout à la fois l'expression et l'instrument d'un certain ordre social. Est-ce qu'il y a des instruments proprement démocratiques du contrôle monétaire de l'économie de marché? Ici, évidemment, c'est la question de la critique des banques centrales et de leur indépendance qui s'exprime par le recours à des innovations dont j'ai parlé, hein, monnaie alternative, etc., qui implique donc une forme de décentralisation du contrôle monétaire. Comment est-ce qu'on peut les apprécier sur le plan démocratique? Est-ce que c'est une réappropriation du bien commun, ou est-ce que c'est au contraire, comme avec le projet Libra de Facebook, une possible captation d'un bien commun en profit d'intérêts particuliers? C'est une piste qu'on aura l'occasion largement d'explorer cette année. Dernier lieu, enfin, la question du rapport entre monnaie et souveraineté se pose au niveau, disons, plus institutionnellement juridique et étatique, puisque la monnaie, c'est un instrument d'une puissance, d'un pouvoir, un pouvoir généralement national, qui en détient le contrôle. La diffusion de la monnaie au-delà des frontières d'un État souverain est un autre facteur d'érosion ou, au contraire, de renforcement de la souveraineté de cet État. Le problème se pose bien sûr de manière aiguë pour l'euro, qui peut être considéré comme vecteur d'une souveraineté transnationale ou, au contraire, vécu comme une contrainte à l'égard des souverainetés nationales. On pense ici évidemment très fort à la Grèce. Ces trois modalités, donc rapidement esquissées, ne sont pas des têtes de chapitre qui auraient vocation à regrouper en autant de rubriques les exposés des différents intervenants qui vont se suivre dans ce séminaire. Il s'agit plutôt de dimensions intriquées, hein, d'un même problème, qui pourraient être développées davantage dans une direction ou une autre par les personnes que nous recevrons. Le calendrier est assez chargé, donc de novembre 19 à juin 20. 2019 sera dominé par les économistes, avec donc Adrien Faudot aujourd'hui, Jacques Sapir le mois prochain. Mais 2020 s'ouvrira par tout un panel d'autres sciences sociales, sociologie des pratiques bancaires avec Jeanne Lazarus, droit public et crypto-monnaie avec Alain Zamaria, philosophie et anthropologie économique avec Marie Cuiret, philosophie des technologies blockchain avec Thierry Ménissier, ce qui nous mènera jusqu'en mars. Après une petite pause en avril, nous reprendrons en mai avec un peu d'économie, grâce à Jérôme Maucourant, avant de nous plonger dans l'histoire médiévale avec Sylvain Piron, auteur d'un livre remarqué sur les origines culturelles de l'Anthropocène, ce qui n'est pas sans incidence sur la théorie monétaire. En juin, nous finirons avec un ama et un amato, la consonance n'était pas voulue. Le premier philosophe nous expliquera la théorie de l'argent de Zimmel, et le second, historien et philosophe de l'économie, viendra notamment nous présenter son livre « L'énigme de la monnaie », récemment paru, je crois, l'an dernier, il me semble.